Bonjour Yoni. Bonjour Jean-Paul. Bah écoute, ravi de se trouver pour cette première. Pareillement pour moi. On va se présenter. Oui, bien sûr. Alors, qui commence? Bah vas-y toi, je t'en prie. Donc Jean-Paul, je suis coordinateur du groupe local à Nancy depuis 2006, je crois. Et le groupe local à Nancy est un peu... joue la discrétion, je peux le dire. Mais pour le coup, là, en venant sur cette radio, on essaye un petit peu de faire autre chose que ce qu'on fait d'habitude, à savoir communiquer sur nos actions, les campagnes Oxfam, les relayer, se faire connaître. C'est un grand principe de base pour, en tant que coordinateur. Le groupe local a vécu toutes ces années avec un marronnier. Tous les ans, on se trouve au marché du monde solidaire, qui aura lieu cette année d'ailleurs, au mois de novembre, troisième week-end de novembre, je crois que c'est 19, je crois que le 17 est un vendredi, au conseil départemental, et ce sera je crois la 21e ou 22e édition. Et bien cet événement annuel a permis petit à petit d'entrer en sympathie avec des visiteurs qui sont restés fidèles, et puis ils sont partis, ils sont restés en un petit groupe entre 6 et 8 unités, avec parfois des étudiants qui nous rejoignent et puis aussi qui quittent Nancy au bout de quelques années. Voilà un peu notre voilure en nombre, parce que souvent on dit « alors combien êtes-vous, combien de divisions ?» Ben non, on est peu nombreux, mais en tout cas Oxfam France à Paris, c'est une équipe de salariés, de plus de bientôt 50, une cinquantaine de salariés, avec une directrice générale très connue qui s'appelle Madame Cécile Duflo. Et puis également Oxfam France, c'est des statuts associatifs selon la loi 1901, avec un président bénévole qui réside du côté de Aix-Avignon et un conseil d'administration. Et les groupes locaux, il y en a 14 à travers la France. Et toute cette partie représente la partie bénévolat, associatif. Et comme je dis souvent, ce sont les deux poumons d'Oxfam France, hein, entre la partie salariat, qui est très qualifiée, qui est sur tous les fronts, au point de vue médiatique, au point de vue rapport Oxfam international, à traduire en français, à retravailler pour la France, à trouver des axes et des angles de plaidoyer. Et puis la partie mobilisation citoyenne que nous sommes. Voilà, très bien. Et pour ma part, je m'appelle Yoni Bléta, j'ai 16 ans, je suis lycéen en terminale à Nancy et je fais de la radio depuis 2 ans et je suis bénévole chez Oxfam depuis bientôt un an. Voilà, je me suis engagée pour tout ce qui est l'aspect justice sociale, mais aussi faire des actions. Et c'est vrai que je trouve que ça peut être bien pour le groupe local, une nouvelle approche, parce que moi j'adore la radio et du coup faire cette émission, ça peut être super super bien. Voilà, Oxfam est très engagé et a des actions partout, donc pourquoi pas en amener à Nancy aussi quelques-unes. Et donc voilà, peut-être je vais participer au programme jeune d'Oxfam qui se déroule sur un an et où les jeunes de 16 à 26 ans suivent un engagement associatif du coup pour s'engager. Voilà. Merci Yoni, et puis effectivement tu me donnes un grand coup de main pour revenir sur Radio Fadjet cette année. Et puis pour le programme jeune, évidemment ça questionne, effectivement chez Oxfam on a la question de l'engagement au cœur, et l'engagement des gens de ton âge Yoni, enfin entre 18 et 26 ans, non pas pose question, mais on va rechercher leur engagement, voir comment souhaitent-ils s'engager, pour quelle cause, quel angle. Oui, c'est vrai. Parce que la notion d'éducation populaire, de choses qui, moi, j'étais biberonné à l'éducation populaire dans les années 80-90, et je ne suis pas le seul dans le cas. Bon, je reconnais que j'ai un peu plus de 60 ans. Et on va être riche de nos différences, Yoni, hein, c'est ça l'idée sur cette émission. Je pense. Et puis on va essayer de dialoguer et d'entrer en relation avec nos auditeurs aussi. Et puis sur 10 émissions qui vont venir de ce mois de septembre jusqu'à juin pour une première étape. Puis Yoni, si tu veux bien parler du squelette entre guillemets de notre émission, ou du conducteur qui va nous guider sur ces 10 émissions. Il est encore à construire à cette heure-ci. Il y aura un thème central à chaque émission qui peut être la chronique du mois ou le débat du mois, ou l'article qui nous mobilise, ou la campagne Oxfam. Une campagne Oxfam, ça dure parfois sur un trimestre, mais voilà, on n'a pas de souci pour trouver un contenu central sur une émission. Et puis en habillage autour d'une... Bon, ça peut durer effectivement 10 minutes, un quart d'heure. On peut rebondir en sollicitant, en faisant un micro-trottoir par exemple, en amont de ce thème, pour recueillir un petit peu ce qu'on pense les gens de cette thématique. On peut également aller voir du côté des tweets qui arrivent régulièrement tous les jours, toutes les semaines, du côté d'Oxfam France. ou se nourrir aussi des pages Facebook de nos amis et collègues du côté des groupes locaux, je pense Lyon, Bordeaux, Marseille, qui sont dans les mêmes dynamiques que nous autres. Et on s'encourage, on se donne les bons plans pour relayer les informations d'Oxfam. Voilà un peu les idées pour construire une émission d'une demi-heure, grosso modo, avec un peu de musique, toujours. Oui, pour l'émission d'aujourd'hui, du coup, on fait sur le Second Hand September. Absolument. Oui. Absolutely. Qu'est-ce que tu peux me dire sur le Second Hand September? C'est une réflexion qui est venue suite à notre dernière réunion du groupe local. Oui. Parce qu'on commençait à réfléchir à cette émission. Et bien, ça tombait bien, puisque venait d'arriver sur le site Oxfam une directive, une prérogative de la Confédération des Oxfam, puisque Oxfam, c'est 17 pays à travers le monde, dont la maison mère est du côté de Londres, Oxfam Grande-Bretagne. Et Second Hand September, eh bien, tous les affiliés de la Confédération passent le message, le déclinent sur toute l'Oxfamily, puisque ce terme-là, on le partagera aussi, c'est un terme qui existe. On invite effectivement à avoir des comportements plus vertueux devant l'achat compulsif, notamment des fringues et de la fameuse fast fashion qui est quelque chose qu'on voit redoutablement avancer. Mais bon, voilà, c'est un vrai débat. À ce propos, moi j'ai préparé une chronique pour vous parler du Second Hand September. Le Second Hand September, soit septembre, le mois de la seconde main, ça a été lancé par Oxfam en Angleterre en 2019. Le défi est de n'acheter que de la seconde main en septembre, les vêtements neufs étant très polluants pour la planète et ils s'en consomment 130 milliards par an. Selon l'atelier Novi Bas Carbone, changer sa garde-robe tous les ans en suivant donc les dernières tendances mode émet jusqu'à 1,4 tonnes de CO2 par habitant. Ce chiffre se divise par deux lorsqu'on la change une fois tous les deux ans, et ainsi de suite. L'idéal serait d'arriver à changer complètement sa garde-robe une fois tous les 10 ans, avec 0,7 tonnes de CO2 par habitant. Le hashtag est vite devenu viral, car il cumule plus de 210 000 publications sur Instagram, l'idée derrière ce défi étant de participer à une mode plus circulaire, durable et solidaire. À première vue, cette tendance peut sembler compliquée. Le neuf, il a une part gigantesque dans le marché des vêtements, et on va pas se le mentir, c'est difficile des fois de ne pas craquer pour un vêtement qui nous plaît. Mais je vais vous délivrer des astuces pour réussir ce mois. Alors je pense que c'est très important de relever le défi avec des amis, parce que cela vous apprendra à découvrir ensemble de nouvelles adresses de boutiques de seconde main, de vous conseiller entre vous sur des vêtements achetés en friperie, et surtout de vous amuser à trouver peut-être même des looks originaux, parce que des fois en friperie on tombe sur des vêtements qui sortent du commun. L'expérience vécue à plusieurs peut être encore plus enrichissante et vous vous sentirez moins seul dans ce défi. Participer au Second Hand September, c'est choisir la seconde main pendant un mois, c'est voire plus, hein. Alors autant en profiter pour découvrir de nouvelles adresses. Il faut savoir que les friperies, ça devient de plus en plus tendance et il y en a partout en France, proposant différents styles et différents concepts. Vous pourrez trouver des boutiques proposant des articles à tout petit prix, ou alors qui ont des bacs à 1€. Donc à l'intérieur des friperies, vous trouverez des bacs à 1€. Ou alors d'autres qui proposent des marques de luxe ou encore des magasins solidaires soutenant des associations. De plus, pour les jeunes qui cherchent à se démarquer par des looks originaux et des vêtements d'une meilleure qualité que le neuf, la friperie est l'endroit où il faut aller. Étant un adepte des friperies, je peux vous garantir que les bonnes adresses, qui sont pour moi malheureusement, je trouve, plus dans les plus grandes métropoles, il est possible de se faire deux looks de la tête aux pieds, hors les chaussures et les sous-vêtements, pour moins de 50€, ce qui est vraiment un super prix et vous aurez de la grande qualité. En plus, les friperies, elles ont l'avantage de proposer des vêtements de grandes marques, en bonne qualité, pour encore moins cher qu'un simple vêtement considéré de tous comme basique et dont la matière ne résistera pas aussi bien au temps. Pour vous aider à trouver de nouveaux lieux pendant ce mois, je vous invite à découvrir la carte de The Goods Good qui recense des friperies, des concept stores et des repair stores partout en France. Alors moi, personnellement, mes friperies préférées, j'en ai plusieurs, mais à Paris, ça va être Fripstar, Guérisol, mais aussi la boutique solidaire Bis. Mais à Nancy, j'adore beaucoup la friperie solidaire La Piscine à Maxéville, qui est plus du coup pour les personnes qui sont dans le besoin. Donc si vous vous sentez dans le besoin, vous pouvez aller voir ça et les soutenir. Dans toutes ces friperies, j'ai pu trouver des vêtements d'une qualité supérieure à tout ce que j'ai rencontré dans le neuf. J'ai en plus été surpris de ne rien acheter de neuf pendant les soldes d'hiver 2022-2023. Alors c'est pour vous dire. Je sais pas ce que t'en penses, Jean-Paul. Tu vas souvent dans des friperies ou... Mais je commence, figure-toi. Je commence. C'est vrai. Mais effectivement, je change peu de ma garde-robe, si on peut dire. Parce que bon, j'essaie de grandir et je crois que j'ai des jeans, oui, on peut les garder 10 ans sans problème. Oui, c'est vrai qu'une fois qu'on a fini la croissance, plus autant besoin de changer. C'est juste, oui. Le Second Hand September vous met au défi de ne rien acheter de neuf. Et pour réussir ce défi, pensez à trier votre dressing, c'est très important. En rangeant votre placard, vous pourrez redécouvrir des vêtements laissés de côté et les porter de nouveau. Vous l'avez compris, donc trier son placard peut vous aider à y voir plus clair pour un dressing à votre image. C'est très important parce que des fois, bah, vu qu'on achète beaucoup, il y a des vêtements qu'on oublie. Et en fait, il faut vérifier si un vêtement ne peut pas être réparé. Et c'est justement le prochain point. Après avoir trié vos vêtements, vous aurez sûrement réparé des vêtements abîmés dans votre dressing. Profitez donc de ce mois de septembre pour les réparer. Bien souvent, nous ne prenons pas le temps de les faire. Pourtant, réparer un trou, un bouton ou encore cacher une tache n'est pas si difficile que ça. C'est le meilleur moyen de faire vivre ses vêtements plus longtemps et d'avoir une approche plus responsable de la mode. Et enfin, ce que je peux vous recommander, c'est de suivre le compte Oxfam France sur les réseaux sociaux. Car tout au long du mois de septembre, Oxfam partagera de nombreux contenus pour réussir le Second Hand September. Témoignages, conseils, ressources, événements. Il vous prépare de nombreuses reprises pour ce mois placé sous le signe de la mode responsable. Donc, vivez cette aventure aux côtés d'une communauté engagée. Voilà, merci pour votre attention. Bah excellent, Yoni. Super de nous partager tout ça. Mais j'ai vu Oxfam, ils étaient assez actifs dans le sens où j'ai vu beaucoup de choses passer sur le mois de la seconde main. C'est vrai que pour les gens qui se rendent à Londres ou en Angleterre, ils remarqueront les boutiques Oxfam quasiment à tous les coins de rue, jusqu'en Écosse. Et il y a une tradition chez Oxfam de cette seconde main, notamment sur les fringues et aussi les bouquins, la bouquinerie. Et les Anglais sont très bien organisés. Et j'ai appris que, par exemple, là-bas, c'est très bien étiqueté avec des codes barres. Et le Londonien qui achète son vêtement seconde main avec cette codification très précise lui permet aussi d'avoir une forme d'abattement fiscal. C'est vrai? Intégré. Alors ça, c'est immédiatement pratico-pratique. Ah oui. C'est très incitatif. Ça, c'est une chose. L'autre chose, c'est que ce sont des fringues d'extrême bonne qualité, avec de la marque. Enfin, c'est clair. Les Anglais, voilà, il y a des marques remarquables qui vieillissent très bien. Et c'est devenu tendance chez les jeunes en Angleterre d'avoir que de la seconde main et avoir des trucs tout à fait bluffants sur soi parce que la marque, voilà, c'est un peu vintage, c'est beaucoup vintage. Oui, oui, c'est clair. Et c'est so British, voilà. Et puis en plus, vous savez bien qu'il est question actuellement du réchauffement climatique, des choses importantes et de préserver la planète. Et quand on voit la quantité d'eau qu'il faut pour fabriquer un jean, de toute façon générale, fabriquer des vêtements est énormément consommateur d'eau. Également, toute cette question liée à la fabrication, la confection, notamment au Bangladesh, ça fait appel à cette fameuse catastrophe du Rana Plaza. Oui. L'immeuble qui s'est effondré au Bangladesh, qui a fait plusieurs milliers de morts. Et, ça, et dont les victimes, malheureusement, ne sont pas encore remboursées. Ça traîne en justice. Maintenant, on a découvert des étiquettes dans les ruines de marques françaises. Et donc, localement, il y a le député Dominique Potier qui s'est emparé de cette question avec d'autres députés français pour faire avancer cette loi qui, actuellement, en est à la responsabilité des sociétés mères donneuses d'ouvrages. Pour que la filière, de bout en bout de la chaîne, il y ait des responsabilités, il y ait des responsables qui soient clairement identifiés. Parce qu'en général, c'est des sous-traitants de sous-traitants et on ne trouve jamais les vrais donneurs d'ordre. Et là, donc, cette loi avance très bien. Bon, c'est une bonne nouvelle, mais il y a encore du chemin à parcourir. En tout cas, voilà, s'habiller responsable, ça devient plus que urgent et nécessaire. Je trouve que c'est bien que ça devienne tendance, que ce soit bien vu, parce que il y a une époque où ça aurait pu être vu un peu ringard, si je puis dire, puisque voilà, c'est des vêtements qui ont déjà été utilisés, mais aujourd'hui j'ai de plus en plus l'impression que c'est bien vu. Complètement. Bah écoute, c'est peut-être le moment d'une petite pause musicale. Oui, on va vous jouer September de Earth, Wind and Fire. Et par exemple, ok. Keep that soul. Vous êtes encore sur Radio Fadjet et on revient après avoir écouté September de Earth, Wind and Fire. Avec Jean-Paul, on est depuis 20 minutes maintenant presque en train de discuter d'Oxfam, du Second Hand September. Et en fait, justement, on va revenir aux origines d'Oxfam. Comment est-ce que ça a commencé Ah, tu me fais un contre-pied, Yoni. Là. Ah, c'était pas ça, mais si, c'est ça que non, je voulais dire. Non, mais on pouvait aussi, mais c'est égal. Continuer à parler un tout petit peu de Second Hand September. Qu'est-ce que le groupe local a fait récemment sur les 6 mois écoulés avant cette rentrée de septembre? Je voulais évoquer, puisque nous sommes groupe local, une petite demi-douzaine de personnes. Oui. Nous avons dans notre groupe Marion, on lui fait un gros clin d'œil, qui va être notre correspondante sur cette question de la seconde main. Parce que Marion a participé au festival Off Mode qui a eu lieu à la MJC Lillebonne le 3 avril dernier, au printemps, là. Et ce festival est amené à grandir, à se faire une fois tous les ans à la MJC Lillebonne. Et ben justement, ce festival Off Mode était très bien vu sur un week-end. Là, il y avait des géants, il y avait des machines à coudre, il y avait une demi-douzaine de machines à coudre. Il y avait de la fringue, il y avait toutes sortes de choses, il y avait des conseils, et il y avait vraiment un public averti, moins averti, mais bon, plutôt des gens qui sont à fond pour faire avancer cette question de sortir de la mode, en fait, off-mode, hein, c'est ça, et que la fast fashion commence un petit peu à se réduire en volume et surtout sensibiliser les plus jeunes à s'habiller responsable, si on peut dire. Et donc Marion va être correspondante de Éthique sur l'étiquette, qui est une association qui est née à Paris il y a quelques années de cela. Et Éthique sur l'étiquette a beaucoup œuvré suite au Rana Plaza, suite à cette catastrophe. On va continuer au fil de l'eau à promotionner ces bonnes idées d'une mode responsable. D'accord. Avec Marion, voilà. C'est génial. Et par exemple, quelles pourraient être quelques actions ? Avec Éthique sur l'étiquette, oui. Nous avons invité donc Dominique Potier, le député en question du Toulois, qui a fait avancer cette loi sur la responsabilité des sociétés mères. Et pour le coup, c'était dans les locaux du conseil départemental rue Blandan. Et c'était un soir à 18h, c'était en mai, je crois. Et oui, puisque c'était les 20 ans de l'anniversaire du Rana Plaza, c'était une façon de commémorer toutes ces victimes. Et il y avait une bonne assemblée, très attentive aux propos de Dominique Potier ce soir-là. Et il nous a fait un point de situation où on est cette loi sur la responsabilité des donneurs d'ordre, au niveau européen aussi, c'est une loi qui avance au niveau de l'Europe. Et puis Éthique sur l'étiquette, au niveau national, va nous passer de l'information, enfin passer à Marion, puisqu'il y a une veille sur cette question d'éveiller les consciences avec les étiquettes. Qui fabrique et où et afin qu'il n'y ait plus d'enfants de moins de 14 ans ou 12 ans qui travaillent à la confection. Oui, c'est vrai, parce que ça peut paraître toutes les grandes marques établissent des chartes, mais en fait, vu qu'ils passent par des sous-traitants, etc., il faut rappeler qu'elles sont souvent non respectées et peuvent employer des enfants ou travailler dans des mauvaises conditions, etc. Oui, des phénomènes qui s'accélèrent avec des modes qui sont pillés en amont, avec des coloris, et ensuite c'est fabriqué très très rapidement en Angleterre, par exemple, pour faire des échantillonnages. Et ensuite, il y a tout un système qui est à questionner. Mais bon, je reprends aussi sur ton propos initial. Oui, l'origine d'Oxfam. Oui. Quand même, parce qu'on est tout nouveau sur Fadjet, là, et informer un petit peu sur ce Oxfam, O-X-F-A-M, donc O-X qui vient de Oxford, et F-A-M, Famine, donc Oxford Famine Committee, ou Oxfam Famine Relief en anglais, qui est donc le comité d'Oxfam contre la faim, donc qui est né en plein hiver 1942-1943, en plein conflit mondial, Deuxième Guerre mondiale. Où les étudiants d'Oxford, alertés par leur professeur, sont allés voir Churchill pour lui dire « ce que vous faites là est lamentable, en mettant des navires de guerre pour bloquer le port du Pirée en Grèce, vous allez littéralement affamer les Grecs, puisqu'il n'y avait plus aucune circulation de marchandises possible ». Et c'était une mesure scélérate des alliés qui voulaient en fait que les Grecs se rebellent contre les nazis, ce qui est quand même une mesure... radical. Très discutable et nul, enfin, franchement, il n'y a pas besoin de ça. Et donc Churchill a grogné un peu et il a donné des sauf-conduits à ces gens d'Oxfam. Et avec une petite flottille, ils sont contournés le blocus des alliés, ils sont allés ravitailler les Grecs nuitamment, à part des nuits très froides, puisque l'hiver 42-43 était particulièrement froid. Et d'après la Croix-Rouge suisse, la Croix-Rouge internationale, le comité d'Oxford a sauvé d'une mort certaine à peu près 200 000 Grecs. Donc c'est impressionnant. C'est un événement, c'est une première intervention humanitaire en Europe en plein conflit mondial. C'est quand même un peu incroyable. Mais en tout cas, à la fin de cette deuxième guerre mondiale et cette terreur du nazisme, et avec l'ONU naissante aussi, tout ça est à partir des années 48, eh bien, les gens d'Oxfam ont continué dans cette dynamique et à se dire que dorénavant, on peut faire changer les choses. Enfin, on peut mettre la pression sur les décideurs, à leur dire ce que vous faites n'est pas bien, il faut changer cette loi ou il faut faire autrement. Donc, le mot d'ordre d'Oxfam et de la Confédération, c'est faire pression sur les décideurs politiques et économiques. Et en s'appuyant sur des états de lieu, les rapports Oxfam sont toujours très appréciés, très bien étayés, pour décrire une situation et dire voilà, il faut changer ça. Les décideurs économiques également sont visés dans leur pratique. Oui, c'est vrai. Les décideurs économiques, par exemple, c'est Oxfam qui disait que le PIB est dépassé, si je ne me trompe pas, et qui a établi avec une économiste une nouvelle théorie. On pourrait en parler lors d'une prochaine émission, Yoni, parce que c'est effectivement une économiste anglaise qui a travaillé chez Oxfam Grande-Bretagne pendant 8 ans, qui a mis au point cette théorie du donut, qui en fait démontre que l'indicateur PIB est quelque chose qu'il faut complètement arrêter, il faut ôter ça de nos cerveaux, c'est pas le bon indicateur pour mesurer la croissance économique ou même le bien-être, simplement le bien-être d'une population, d'une nation. Oui. Et ça c'est un long sujet, mais on pourra en reparler dans un mois du coup. Peut-être. Par exemple. En tout cas, on se rapproche des 30 minutes de la fin. On vous remercie d'avoir écouté cette première émission d'Allo Oxfam. Allo. Et on vous dit à la prochaine fois. Merci à toi, Yoni. À bientôt. Merci, à bientôt. Bye bye.